et créé à la montagne, ce soir consacré au centenaire de la guerre de 14, c'est-à-dire de 18, parce qu'on est en 18. Les musiciens de la Vallée des Lacs, Tarentelle, en ce jour des morts, puisque, sauf pour la rediffusion, mais en direct, nous sommes le 2 novembre, voici donc quelques informations culturelles. Tout d'abord, en ce moment même, mais c'est un peu tard pour y aller, se déroule à la Miroiterie une sorte de festival de la chanson triste. J'y serais allé si je n'avais été ici. Bon, avec notamment le Club des Uns, puis je pense François Feuté, Jean-Claude Vorgie et quelques autres de pointure. Voilà. Alors, allez-y si vous voulez encore, mais je ne sais pas s'il y aura de la place à cette heure-ci, à la Miroiterie, rue de la Joncherie, ou Joncière, je ne m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. C'est pas loin si on est prêt. Voilà. Disons qu'ajouter, je vous annonce aussi, mais ça c'est dans plus longtemps, le 24 novembre, je vous en reparlerai, un concert de la bande Abera et du Fifrelu, tel qu'il s'est déroulé à Champ-le-Duc. J'ai fait aussi des enregistrements, vous ne les aurez pas ce soir, pour des raisons technico-temporelles, c'est-à-dire de temps, car je vais vous passer une émission plus consacrée à la guerre de 14, en fait, qui recouvre deux actualités. D'une part, demain, samedi 3, à la Bresse, un colloque des rencontres transvosgiennes où l'on rencontre effectivement souvent Jean-Claude Fonbaron, que vous allez écouter ce soir. Puis là, ce sera d'autres intervenants. Demain, c'était par exemple Jean-Paul Husson sur la forêt. Bon, c'est un colloque consacré à la Bresse à partir de 9h à la salle Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le cinéma de la Bresse, au-dessus de la mairie, et donc vous pouvez y aller, c'est gratuit, il n'y a que le repas qui est payant, mais bon, on peut encore s'inscrire, et donc à l'après-midi, il y a même visite de la régie d'électricité de la Bresse, c'est très original, c'est historique en même temps, et écologique, enfin historique déjà, et le matin, vous aurez, présenté par Gérard Lézère, vous aurez toute une série, et Jean-Claude Fonbaron justement, toute une série de conférences sur la forêt dans les Hautes-Chaumes, par Jean-Paul Husson. Stéphanie Gupp va présenter ses recherches sur les défrichements à l'époque mérovingienne, bien avant le mérovingienne, à l'époque de l'âge du bronze, moins de 2000 avant Jésus-Christ. sur le Falimon, c'est-à-dire massif du Honeck, et sur le Rosberg, Bellaker, c'est-à-dire dans les sud des Vosges. Et ça a révolutionné un petit peu ses thèses, ses recherches, ce qu'on savait de, du défrichement des chaumes qu'on croyait dû aux moines et qui en fait sont bien antérieurs. Alors voilà pourquoi Stéphanie Gueb sera là, parce que ainsi que son professeur de tutelle, si je peux dire, alors c'est Schwartz son nom et son prénom Dominique, je crois, et qui lui présentera les villages, les attaques de la forêt au Moyen-Âge. Alors il y aura aussi une autre conférence, une quatrième conférence, sur la forêt au Moyen-Âge, et toujours à la Bresse, et ça va être très intéressant. Alors, pourquoi ? Parce que c'est à l'occasion de la sortie qui va être réalisée par l'association Rencontres Transvosgiennes de l'ouvrage magistral de M. Boyer, édité au début du XXe siècle, sur l'histoire des Hautes-Sommes. Et donc, là, ça va donc honorer par les Rencontres Transvosgiennes et par les historiens de la Bresse, les Rencontres Bressaudes. Voilà. Ça, c'est demain. Demain, si on est le, si c'est pas la rediffusion. Si la rediffusion, c'est passé. Enfin, alors ça vous sera rediffusé, hein, de diverses manières. Je sais que, de même, François Durand y va, il en diffusera aussi des morceaux. Et moi-même, dans des prochaines émissions, comme je fais chaque année. Mais là, justement, je vais vous faire écouter des rencontres transvosgiennes d'il y a 2 ans sur la guerre de 14. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Jean-Claude Fonbaron et Yann Prouillet viennent présenter leur conférence annuelle pour Jean-Claude Fonbaron et la deuxième fois pour Yann Prouillet sur la guerre de 14. Depuis, en effet, 14, le comité de la guerre de Fresse fait chaque année, ben, célèbre, si je peux dire, ne fête pas, on va dire que c'est une fête célèbre. Les morts de la guerre de 14, et chaque année, en ce moment c'est 18, forcément, l'armistice, et chaque année, Jean-Claude Fonbaron vient faire une conférence, Yann Prouillet, il vient aussi parfois, il est venu une fois, et ils feront une double conférence jeudi soir, 8 novembre, à la salle des fêtes, non, pas à la salle des fêtes, à la salle de spectacle, c'est pas la même, enfin c'est juste en dessous, dans la maison des associations, à la salle de spectacle de la maison familiale, ben, qu'est-ce que je dis maison familiale, je dis n'importe quoi, de la maison des associations, c'est pas familial, c'est familial quand même. Donc je reprends, 18h, conférence de Jean-Claude Fonbaron et Yann Prouillet, jeudi soir 18h, donc gratuit, laïque et pas obligatoire, mais recommandé. Donc conférence qui seront enregistrés aussi, passés sur Gemouzo, comme souvent, comme presque toujours. Donc, de Jean-Claude Fonbaron et Yann Prouillet, Jean-Claude Fonbaron sur les à côté de la guerre, les conséquences dans le civil qui ont été terribles, et Yann Prouillet sur les femmes. Condition des femmes aussi, un à côté plus que central. Voilà. Alors, c'est dans le cadre de l'exposition annuelle que fait le comité de la guerre de Fresse, qui le lendemain fait une exposition aussi, où on verra notamment des œuvres prêtées par le musée de Saint-Amarin. L'ami Gilbert Méni a prêté des pièces, et puis aussi des peintures faites par les enfants de Saint-Amarin sur les estropiés de la guerre. Et ça, c'est aussi des sacrées conséquences de cette guerre de 14 qui n'en finissait plus, qui finit maintenant. Mais, alors, donc, jusqu'au 11 novembre, même 12, il y aura cette conférence d'abord, et puis cette exposition ensuite. Et puis, il y a d'autres endroits, d'ailleurs, il y a des expositions un peu partout à signaler, avec cette période de l'armistice. Je sais qu'il y a une belle expo à Rue sur les Américains dans la guerre de 14, donc à partir de 17, forcément. Et je sais qu'à Docelles, il y a une exposition où, justement, Jean-Claude Fonbaron et Yann Prouillet font aussi une conférence le 9. Et là, la mémoire de Pierre Elie est évoquée. Pierre Elie, notre cher disparu de la Société d'Histoire de Remiremont, disparu il y a déjà 3 ans, oui. Voilà, donc c'est ce que vous pourrez voir. Sinon, le 9, je sais que les Quais d'Allumée jouent leur spectacle, mais j'ai pas noté, je sais qu'ils jouent, c'est pas à Golbey, alors on essaiera de vous le retrouver, on n'a pas leur papier là. Très bonne pièce, je dois le signaler, mais excusez-moi, Quais d'Allumée, j'ai pas la notification du lieu. C'est toujours à voir les Quais d'Allumée, toujours un théâtre de qualité. Je le sais parce que nous-mêmes en ce moment, on fait aussi autre chose, je le dis aussi, c'est pas un spectacle, c'est le 9 aussi. Au soir, c'est une réunion pour la sauvegarde du presbytère de Bussan avec un projet associatif de tiers-lieu culturel à l'appui, par lequel on va essayer de sauver ce presbytère du 18e siècle. Je vous en ai un peu parlé, je vous en reparlerai. Et c'est quelque chose de très important, qui est un enjeu important, et de patrimoine, parce que des bâtiments du XVIIIe siècle dans la vallée de la Moselle, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très peu, et puis de culture, parce que de la culture, de l'animation, après la fin du Guéluron, mais qui est remplacé quand même par la utopie, oui, la petite utopie, continue quand même, sans le Guéluron. Mais on a besoin de lieux comme ça, alternatifs. Des tiers-lieux culturels, effectivement, Repère Café, Fast Lab, tout ce que vous voulez, comme formule que nous allons essayer de mettre au point, recyclage, etc. Et amitié, et aussi, bien sûr, patrimoine. Je dois dire que ce presbytère, eh bien, il avait été sauvé il y a 10 ans, il est menacé, plus que menacé même, parce que si on ne fait pas un projet qui soit suffisamment costaud, eh bien il sera détruit. Alors qu'il est d'une architecture semblable à tous les presbytères de la vallée de la Ture, du XVIIIe siècle aussi, alors qu'il fait un ensemble très cohérent dans Bussan au XVIIIe siècle, mais c'est une question de monnaie, on va dire, aussi, de le maintenir. Et puis, tiens, je sais qu'à Monture-sur-Saône, par exemple, le presbytère a été sauvé, 18e siècle aussi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais voilà. Ça, c'est tout ça cette semaine prochaine. Et on vous en parlera. Il y a d'autres événements auxquels je n'ai pas pensé sur le coup, d'ailleurs, mais sur lesquels je vous informerai la prochaine fois. C'est-à-dire, calculons, ça sera dans 15 jours. Voilà. Je n'ai pas calculé la date exacte, ça sera le 18. Ouais, c'est ça. Non, vous me direz. Enfin, 2 novembre plus 15 égale 17. Voilà. Ah, le 17, j'ai dit. Voilà. Je vais commencer. Alors, je vais vous passer une conférence de Jean-Claude Fonbaron, qui date en fait d'il y a 2 ans. C'était une conférence qu'il avait faite à Fraisse, justement, sur les moyens de transport pendant la guerre de 14, sur les routes, tous les travaux d'infrastructure routière qui avaient été effectués. Alors bien sûr, avec quelques disques adéquats. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Oui, ils ont tué Jaurès pour justement que la guerre de 14, cette terrible guerre, puisse avoir lieu. Enfin, c'était un de ceux qui empêchaient cette guerre, qui voulait l'empêcher. Alors, ça me fait penser à un autre événement que nous allons donné le 30 novembre, mais ce soir je me trompe. Novembre, c'est vrai qu'il fait doux, mais c'est quand même novembre. À nouveau, il fait doux. Et ça sera donc à la médiathèque du Tio, sur Jean Potcher, un de nos maisons, en fait, un héros pacifiste nommé Jean Potcher, fils de Maurice, effectivement, qui n'a pas voulu prendre les armes, qui est mort comme infirmier dans les derniers mois de 18, en fait en juillet 18. Et il était ami de Jaurès, il correspondait avec Jaurès en tout cas, et il était socialiste, comme on l'appelait à l'époque, pacifiste en fait. Il écrivait dans Le Peuple Lorrain sous le nom de Jean Marteau, et effectivement, cette mort de Jaurès a joué un rôle dans sa propre vie, et puis mort et engagement. Voilà, et maintenant, donc, Jean-Claude Van Baron, il y a 2 ans, mais on l'avait passé, mais c'est toujours bien à passer. J'en ai d'autres excellentes de Jean-Claude Van Baron à passer, qui vont bien avec cette période de la guerre. Voilà. Et si vous voulez écouter sa nouvelle conférence, venez, effectivement, comme je disais, jeudi soir, le 8... à Fraisse, et puis je pense qu'à Dossel, il doit faire une conférence le lendemain avec Yann Prouillet sur les Américains. Donc, Yann Prouillet, qui est aussi un des spécialistes de la guerre de 14. Bienvenue à vous tous. Au nom de la municipalité de Fraisse et du comité d'organisation du centenaire, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans notre salle de spectacle. Le parking étant plein, bon, on va pouvoir commencer. Comme l'an dernier, nous sommes heureux d'accueillir M. Van Baron, qui va nous présenter une conférence sur les moyens logistiques sur le front des Vosges en 1915-1916. Et à l'issue de sa présentation, si vous avez des questions posées, vous serez les bienvenus. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Merci. peut-être fermer la lumière quand même, que ceux qui veulent dormir puissent. On va veiller aussi. Ah, oui, non, mais on verra tout à l'heure. On tâchera de trouver un moyen adéquat. Bien, ben on vous remercie de vous être déplacé pour parler justement un peu des déplacements sur la crête des Vosges pendant la Première Guerre mondiale et notamment autour des années 1915, 1916 et 1917, 18, allons jusque 18 quand même, donc qui ont vu une des principales réalisations qui est toujours inscrite dans le paysage, c'est-à-dire la question de la route des crêtes. La route des crêtes date de 1915, on va voir tout à l'heure dans quelles circonstances sa création a été décidée. Et auparavant, j'allais dire, le massif vosgien était certes traversé par des cols, des points de passage qu'on connaît, qui étaient relativement peu nombreux, mais il n'y avait pas de route ni de chemin qui, de façon transversale, suivait la ligne de crête. On ne voit pas pourquoi on en aurait fait une là-bas auparavant, puisque au-dessus c'était des chaumes, c'était des forêts également, surtout quand on prend le secteur du col du Bonhomme, et donc par conséquent une route ne se justifiait pas. Tout ce qu'il y a eu, c'est quelques chemins, dix chemins de douaniers qui ont été tracés après 1870, donc après l'annexion, mais sinon il n'y avait pas véritablement de route qui suivait l'ensemble des crêtes. Aucune utilité, j'allais dire économique, antérieurement à la guerre. Donc cette route des crêtes, aujourd'hui aussi touristique, et c'est là qu'on voit que les choses peuvent évoluer à certains moments de manière à nous rendre les paysages très différents de ce qu'ils ont été à une autre période. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on passe sur la route des crêtes, et toute la propagande touristique, entre guillemets, tourne autour de ça, que la route des crêtes, c'est dans un milieu totalement naturel, où les seules activités humaines, c'est l'élevage, les fermes auberges, etc., où il y a toujours eu des petites touffes d'arnica qui poussaient par-ci, par-là, des chamois éventuellement, quoique les chamois, c'est récent aussi, qui gambadaient à droite à gauche. Donc on a une vision de ce paysage des crêtes qui est une vision naturelle mais artificielle. On est dans de la nature artificielle en grande partie, en tout cas largement aménagée ou réaménagée par l'homme. Donc à une époque pas très ancienne, puisque ça représente quand même qu'un siècle, à l'échelon d'histoire, un siècle, c'est pas grand chose. Hein. Et donc, pendant cette période-là, on a vu des changements qui se sont produits, justement, notamment à cause du tourisme, et qui ont impacté les paysages de la période 14-18. On verra tout à l'heure quelques endroits. Si on les comparait avec une vue prise aujourd'hui dans le même secteur, on dirait c'est pas possible, ça peut pas être là. Bon, je pense notamment au camp du Trait dans le secteur du Markstein. Hein, il y a quand même de très grosses différences. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'il y avait pas mal de réalisations techniques, indépendamment des routes. On le verra, il y a eu des emplacements tout à fait particuliers qui ont été choisis pour y installer soit de la technique, de l'artillerie en particulier, soit y abriter des hommes, et ça, il est dans le contexte justement de la mise en valeur touristique, tous ces éléments-là, on les a fait disparaître jusqu'encore il n'y a pas tellement longtemps, puisqu'il n'y a que quelques années que, par exemple, au Honeck, le tunnel qui abritait l'ancienne gare du téléphérique a été éradiqué du paysage, alors qu'aujourd'hui on assiste, centenaire oblige, à une redécouverte du patrimoine 14-18 et on se dit « Ah, mais tiens, peut-être y aurait-il quelque chose à préserver ?» Donc on pratique toujours de la même façon dans notre beau pays. Un, on fout en l'air, deux, on pleure. Et puis après, on reconstitue des pastiches, et c'est pas plus... voilà, ça c'est constant. Mais nous n'allons pas philosopher maintenant, on viendra peut-être à la philosophie dans la conclusion, et encore. Donc déjà, une très mauvaise carte, pas très lisible. Donc on voit le tracé de la vraie route des crêtes, entre guillemets. C'est-à-dire que la route des crêtes, c'est celle qui part du col du bonhomme et qui va effectivement jusqu'au Markstein. Ça, c'est la route des crêtes. Donc ça veut dire qu'il y a eu par la suite toute une série de voies secondaires qui se sont greffées sur celle-là. Ça veut dire aussi que quand on arrive notamment à la période 1918, on va voir des routes qui vont se créer, comme notamment la route Joffre sur le versant alsacien, puisque des routes stratégiques vont être nécessaires pour faire la jonction entre le sud du front des Vosges et l'Alsace libérée. Mais bon, ça ne sera pas tellement notre sujet ce soir. Ce soir, on va essayer, à propos justement de cette histoire de route des crêtes, de voir un peu pourquoi on a pu faire une route là-haut et de voir effectivement, je l'espère pour certains découvrir, pourquoi, en définitive, on avait tellement besoin de ce genre d'infrastructure. Suivante. Voilà, donc là, on a un paysage tout à fait typique. Hein, là, pareil, on est dans le secteur du Markstein. Hein, voilà. Et donc, tout ça pour signaler que le détachement d'armée des Vosges, c'est-à-dire celui qui œuvrait sur le front vosgien qui n'était pas très large, ce détachement d'armée des Vosges comptait 100 000 rationnaires. 100 000 rationnaires, ça voulait dire 100 000 soldats à nourrir. Bien sûr, les 100 000 soldats n'étaient pas sur le front, il y avait les services de l'arrière, ceux qui se trouvaient à Gérardmer, Remiremont, Bussan, etc. Mais ça veut dire que sur ces 100 000 soldats, il y en avait quand même entre le quart et le tiers qui se trouvaient sur le front ou à proximité du front. Ça faisait du monde. Même en période touristique poussée, il n'y a jamais eu autant de monde, j'allais dire, simultanément, sur les crêtes. Puisque, on le sait, mais on peut le rappeler très rapidement quand même, bon, après la guerre de mouvement donc, qui se termine mi-septembre, en gros, après les deux armées se cherchent un tout petit peu à partir des endroits où elles se sont arrêtées, et le front va donc, en ce qui concerne les Vosges, se fixer sur, peu ou prou, sur les crêtes, de part et d'autre de l'ancienne frontière, les Français réussissant à entamer quelque peu la partie du massif alsacienne, donc allemande, ce qui explique qu'on va avoir affaire à un contexte de guerre de montagne tout à fait particulier, avec des champs de bataille qui parfois dépassent les 1000 mètres d'altitude. On peut prendre la tête des Faux, le Linge, l'Hartmann, etc. On tourne autour de cette altitude-là. On va être obligé aussi, parce que bien entendu ça n'est pas plat, d'aménager certains sommets qui sont quelque peu en retrait, sur lesquels on va pouvoir installer notamment des batteries d'artillerie, on le verra tout à l'heure, de manière à pouvoir envoyer quelques obus sur les gars d'en face au bon moment. Donc côté français, bien entendu, si on pense qu'il y a dans les 25 000 soldats, en moyenne, donc qui sont sur cette crête, entre en gros le secteur de Saint-Dié jusqu'au secteur de Remiremont-Bussan, c'est-à-dire qu'il va falloir les nourrir, il va falloir leur apporter le matériel, et surtout, en plus de ça, il va falloir à certains moments, pour établir des abris, pour établir des services techniques, pour y amener des munitions et du matériel, il va falloir pouvoir acheminer tout ça. Acheminer tout ça, ça veut dire qu'il faut bien entendu des voies d'accès, et les voies d'accès, on l'a dit tout à l'heure, début de la guerre, il n'y a pas véritablement d'accès qui permet de suivre toute la crête, alors que c'est la crête qui est aménagée, parce que le matériel et les hommes, quand ils arrivent par le chemin de fer, c'est-à-dire par les gares. Donc ça débarque en gare de Saint-Dié, de la gare de Saint-Dié ça reprend le train pour aller jusqu'à Fraise, et à Fraise, après, il faut trouver un moyen de monter au Bonhomme, de monter jusqu'au Valtin, de monter du Valtin au Gazon Martin, au Gazon Dufin, etc. Donc de monter sur la crête. Sinon, après, la gare la plus proche, c'est la gare de Gérardmer. La gare de Gérardmer, il faut descendre de la gare, et il faut grimper à la Schlourte, et de la Schlourte aller soit en direction du Bonhomme, soit en direction de Münster. Et puis, il y a bien entendu Remiremont et Bussan à l'autre bout, qui sont les deux autres gares importantes. Bon, les Allemands n'ont pas tout à fait le même problème, puisque ils sont sur le versant le plus escarpé des Vosges, le versant le plus à pic. C'est-à-dire que la plaine d'Alsace est très propice justement, grâce à ses voies ferrées civiles, pour acheminer tout le matériel qu'il faut depuis l'Allemagne sans aucun problème. Et quand tout ceci arrive au pied, au fond des vallées ou au pied du massif, à ce moment-là, les Allemands vont réaliser des funiculaires, des téléphériques. Ils sont plus employés de ce côté-là parce que c'était beaucoup plus à pic que de notre côté, même si de notre côté, effectivement, on en a eu aussi. Alors, si on a parlé un peu, justement, très rapidement, de la question... Ça doit être ce machin-là qui fait un petit bruit. Si on a parlé donc de la question des chemins par lesquels il fallait pouvoir se mouvoir, c'était aussi la question se pose par quels moyens. Le moyen, ici, on le voit, ce sont les mulets, puisque dans la première partie de la guerre, et dans les Vosges en tout cas, ça va durer jusqu'à la fin de la guerre en proportion réduite, mais ça va quand même durer jusqu'à la fin de la guerre, l'élément le plus important pour le transport, c'était le mulet. C'était le mulet, le cheval un peu moins, parce qu'on avait besoin des chevaux, non pas pour transporter des charges de ce type-là, mais notamment pour les attelages d'artillerie hippomobile et tous les véhicules hippomobiles donc, qui existaient à ce moment-là. On verra tout à l'heure, justement, par rapport à la dotation automobile dans l'armée française, ce que ça pouvait donner au début de la guerre et ce que ça a donné par la suite. Et si on prend simplement, donc en ce qui nous concerne ici, les mulets, je vous donne quelques chiffres. Si on prend le recensement général de 1914, en France, on avait, quand je dis en France, c'est également en Algérie et au Maroc, donc qui était également en Corse. Si je dis en Corse, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bourricots corses, entre guillemets, comme beaucoup de bourricots algériens qui ont fait la guerre de 14, donc dans les rangs de l'armée française. Donc, en France, on avait 3 333 376 chevaux, ânes, mulets. Ça faisait quand même du monde, si j'ose dire. Dont 1 071 000 susceptibles d'être requis, puisque vous savez que, en temps de guerre, l'armée ne voulait pas entretenir ni des chevaux qui ne lui étaient pas utiles, qui ont été en surnombre, ni posséder des véhicules, pareil, qui ne leur étaient pas utiles. Donc, par conséquent, l'armée procédait par voie de réquisition, et ce sera exactement la même chose lors de la Seconde Guerre mondiale. Quand l'armée avait besoin de chevaux, elle réquisitionnait les chevaux civils. Donc, on a quand même affaire à une masse d'équidés relativement importante, 3 333 000, dont 1 million, arrondissons, qui était susceptible d'être appelé sous les drapeaux en 1914, avant que n'éclate la guerre. Et effectivement, entre août et décembre 1914, les réquisitions vont atteindre 800 404 chevaux, ânes et mulets, donc qui vont être envoyés sur le front. Bien entendu, ce chiffre va augmenter avec les années, puisqu'on arrivera autour de 1 500 000 de ces animaux qui seront sur le front français, certes, mais également envoyés sur d'autres fronts, comme par exemple les Dardanelles ou la Serbie. Donc on doit beaucoup à ces braves petites bêtes, et il faut aussi considérer que ces petites bêtes, même si elles étaient plus rustiques et demandaient moins de nourriture qu'un soldat, devaient également être nourries, et on devait également s'en occuper, notamment par rapport à la ferrure. Donc ça, c'est des détails qui peuvent paraître tout à fait annexes ou anodins, alors qu'en définitive, ça posait à certains moments un réel problème. La ration d'un mulet ou des bourricots ou d'arboricaux était, en règle générale, de 1 kg d'avoine, 1,5 kg à certains moments, et 2 kg de paille. Quelquefois, on rajoutait 1 kg de foin quand il avait fourni, quand il y avait du foin déjà, et quand il avait fourni, quand la bête avait fourni un effort qui justifiait qu'on lui donne un peu plus de nourriture. Donc, compte tenu du nombre de mulets qu'on a eu dans le secteur, il fallait leur acheminer et la paille et l'avoine, parce que ça, ça ne poussait pas sur les crêtes. Donc, il va falloir aussi alimenter ces animaux-là, et on verra tout à l'heure quels pouvaient être les effectifs de ces compagnies muletières, des compagnies muletières donc, qu'on a eues dans le secteur. Autre problème, tout bête, qui se pose à l'hiver 1914-1915, c'est l'histoire des crampons à glace, parce que bien entendu ces animaux sont ferrés, ils se déplacent dans des endroits qui sont des endroits qui nécessitent d'avoir un équipement spécial entre guillemets, donc il faut des crampons qui puissent être utilisés, des crampons à glace. Donc pendant, on estime que pour l'hiver 14-15, on estimait les besoins à 23 500 000 crampons pour les armées. Alors 23 500 000 crampons, bon, je n'ai pas le poids d'un crampon, mais ça fait quand même quelques tonnes de fer dont on avait besoin rien que pour les crampons. Je ne parle pas des fers à cheval, puisque la durée moyenne d'un fer à cheval en temps de guerre était de 15 jours. Donc songez un peu, faites le calcul, ceux qui aiment bien faire des maths, quand on aura 1 500 000 chevaux à muler, à ferrer, à changer les fers, donc 4 fers, plusieurs fois dans l'année, voyez un peu ce que ça peut donner. Et là, il va falloir pouvoir fournir ça aussi. On n'a pas que besoin que de cartouches et que de boîtes de singes pour les soldats. Il faut également nourrir les bestiaux et il faut également apporter à ces animaux le minimum de confort pour qu'ils puissent remplir eux aussi leur mission. Donc si on revient à nos 23 500 000 crampons qui étaient nécessaires pour l'hiver 14-15, au mois de janvier de l'année 1915, on en avait livré aux armées que 7 660 000, c'est-à-dire en fait le tiers de ce dont on aurait besoin. Le déficit n'a pu être résorbé qu'en octobre 1915, c'est-à-dire que pendant le premier hiver, il y a eu des mulets et des chevaux qui ont été privés dans les régions où ils en avaient besoin de crampons. Donc vous voyez, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut apparaître comme anecdotique, mais ça n'est pas anecdotique dans la mesure où ça représente des tonnes d'acier, ça représente également des tonnes d'acier à acheminer par petits paquets, si j'ose dire, aux endroits où on en avait besoin. Sachez que chez les Allemands, eux, au début de la guerre, ils avaient 880 000 chevaux, voilà, et ce qui veut dire qu'ils avaient une consommation de 7 600 000 fers à cheval par mois. Donc on voit là aussi que de l'autre côté, on était exactement dans les mêmes, avec les mêmes problématiques. Donc si on pense un peu à ces braves mulets, à ces braves petites mioles, comme on disait par ici, alors bien entendu, c'est sur elles qu'on portait le principal effort au début de la guerre, et notamment, on a vu dans le secteur vosgien, la 33e compagnie muletière du 15e régiment du train des équipages, donc qui est ici, dont les mulets ici font partie, qui est arrivé le 1er février 1915 dans les Vosges avec un effectif de un officier, deux adjudants, 12 sous-officiers, 27 brigadiers, 321 conducteurs et 300 mulets. Donc ils débarqueront dans le secteur de Gérardmer et de là ils vont essaimer sur toute la crête. Ils seront rejoints d'ailleurs par la suite par une deuxième puis une troisième compagnie muletière, c'est-à-dire qu'on va avoir dans le secteur à peu près 1000 mulets qui seront à pied d'œuvre pendant l'année 1915 et c'est ces 1000 mulets qui vont participer activement à la construction d'une route des crêtes qui sera faite certes un peu pour eux, mais surtout pour des moyens mécaniques un peu plus

des nominations toutes récentes, poilues d'Alaska, etc. Donc, ce qui, bien entendu, amène toujours une larme à l'œil à nos compatriotes qui aiment beaucoup les petits animaux, et quand ils arrivent à relier les petits animaux à la guerre, c'est encore mieux. Donc, ces fameux équipages canins d'Alaska n'ont qu'une importance tout à fait anecdotique, j'allais dire inversement proportionnelle à celui qu'on leur prête, donc sur le front. Bon, on ne va pas revenir sur la genèse de ces fameux équipages. Globalement, ce sont 400 chiens dits de traîneau qu'on fait revenir d'Alaska, donc à la fin de 1915, pour le début 1916, c'est-à-dire la fin de l'hiver 1915, pardon, et qui vont avoir comme mission de ravitailler sur les crêtes les points isolés, puisqu'on va voir tout à l'heure quels étaient les points isolés qu'il fallait ravitailler. C'est eux à qui on confiera théoriquement en hiver le soin de rapatrier les blessés, les malades qu'il peut y avoir dans les postes avec des traîneaux. C'est eux qui théoriquement aussi amèneront des munitions, voire même des obus, à certaines batteries qui seront excentrées, j'en passe les meilleures. Mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que ces équipages canins avaient surtout une fonction médiatique. C'est-à-dire que chaque fois qu'un ambassadeur étranger ou que des observateurs militaires de pays neutres venaient faire un tour en France, on les envoyait sur le front des Vosges, ils faisaient un petit tour sur un traîneau avec des chiens d'Alaska, et bien entendu, tout le monde était content, et ça faisait des belles photos qui paraissaient dans l'illustration, et l'armée française démontrait une fois de plus qu'elle savait s'adapter. Bon, le problème pour ces pauvres petites bêtes, dont on pourra reparler éventuellement tout à l'heure, si on tient à voir un peu plus de détails là-dessus, donc ces braves petites bêtes donc on retrouve essaimées à différents points du front, notamment au col de l'Ouchpa, au Tanet, comme ici, c'est la ferme du Tanet, au Annenbrunnen par exemple, où ils avaient leur chenil. Donc vont être désœuvrés entre guillemets quand il n'y a plus de neige, et donc à ce moment-là on leur fait traîner des petits wagonnets, voire même des petits wagonnets avec des pneus en caoutchouc, s'il vous plaît, là où il n'y avait pas de rails, hein, de manière à, bon, ici on ne peut pas dire qu'ils transportent beaucoup de matériel, mais de manière à entretenir, à leur entretenir, j'allais dire, la forme. Donc, on s'aperçoit au niveau de l'état-major, au bout d'un moment, que ça n'est pas très rentable. Que ces chiens-là, en définitive, oui, certes, ils sont peut-être un peu utiles, ils rendent quelques services, mais ils coûtent cher. Ils coûtent cher, il faut les nourrir. Il en coûte 10 centimes par jour pour nourrir chacun des chiens. Il faut également payer la solde des soldats qui s'en occupent. Et donc, par conséquent, si on prend le rapport entre le quota que faisaient les spécialistes de l'armée à ce moment-là, c'est-à-dire c'est le prix de la tonne transportée, c'est-à-dire l'équivalent en francs de la tonne de matériel transporté. Or, il apparaît que les chiens de traîneau coûtent bien plus cher que tout ce qui est transporté par camion, et encore plus cher que ce qui est transporté par voie ferrée, puisque c'est la voie ferrée qui, bien entendu, transporte le plus de tonnage pour le moins d'argent possible. Donc on va quand même les garder jusqu'à la fin, avec, bien entendu, toute une légende qui va se développer et qui est en train de ressurgir actuellement, qui revient au grand galop et qui ressurgit. Alors, bien entendu, bon, déjà, quand on va vous sortir aujourd'hui les chiens de traîneau, on va vous sortir des huskies bien dressés avec les beaux yeux bleus, etc., et qu'on peut brosser dans le sens du poil. Bon, on s'aperçoit, si on regarde simplement quelques images, on peut d'ailleurs en passer une autre tout de suite. Bon, le train, on y reviendra après. Voilà, donc c'est pas tout à fait du husky, hein. C'est vraiment des bons gros bâtards, certes d'Alaska, mais bâtards quand même, hein. Et que ces animaux, bien entendu, relativement endurants, ont quand même eu quelques problèmes d'adaptation, notamment on leur demandait beaucoup d'efforts, qu'ils étaient malnutris, qu'on leur donnait une nourriture qui était limite, entre guillemets, on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons d'économie, hein, il ne fallait pas qu'ils coûtent trop cher, ce qui veut dire que sur les 400 chiens qui ont été achetés en Alaska et qui sont venus en France, et on a eu 360 qui ont été opérationnels, donc il y a déjà eu une déperdition d'une quarantaine en route, et que sur les deux équipages donc, qui vont être formés, un à chaque bout donc, de la crête des Vosges, les pertes vont être de plus de 50%. Alors bien entendu, vous lirez par-ci, par-là, parce qu'ils ont été la cible d'avions allemands qui les ont mitraillés, parce qu'ils ont été blessés par des éclats d'obus, parce que, etc. On a du mal, voire même des impossibilités, à trouver des traces de ces faits d'armes dans les historiques régimentaires, c'est-à-dire que plus de la moitié de ces animaux sont morts justement de maladies et de malnutrition. Alors évidemment, après, on peut toujours faire toute la littérature qu'on veut autour, hein, et puis caresser des huskies de 2016 dans le sens du poil, mais il ne faut pas oublier que la vérité historique s'accommode rarement de la légende. Et donc, à la fin de la guerre, ceux qui vont rester, on l'a dit, ils étaient 360, il restera à peu près 180, ben, c'est du matériel militaire. Alors, quand on lit dans les histoires que certains poilus qui les avaient, etc., élevés, sont repartis avec les chiens chez eux, l'armée française ne laisse jamais qui que ce soit rentrer chez soi avec du matériel militaire. Hier comme aujourd'hui, ça ne se faisait pas. C'est comme si un cavalier avait ramené chez lui son cheval en disant bah, « c'est le mien » puisque pas du tout, ça ne se passait pas comme ça. Matériel militaire, donc c'est Ciné qui disait qu'il aimait bien les chats parce qu'il n'y a pas de chat policier. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je ferme la parenthèse. Donc ces fameux chiens donc, ont été envoyés dans la banlieue parisienne et ils ont été, comme des chevaux, vendus en 1919 aux personnes qui souhaitaient avoir des chiens de garde ou des chiens de je ne sais pas quoi, ou des chiens de compagnie. C'était un peu difficile parce que c'est sûr que ce genre d'animal élevé, j'allais dire avec la notion de meute, la notion de dominant, etc., posait quelques problèmes en tant que chien de compagnie. En plus de ça, quand on lit à certains endroits que certains ont fait souche dans les Vosges et aujourd'hui, par-ci, par-là, il doit encore y avoir des descendants de petits huskies, bon, je veux bien, mais bon, là, faut pas pousser non plus. Hein. Bon, mais ça fait partie dire des légendes que l'on va voir se consolider avec les histoires du centenaire. Alors, gardons la tête froide et essayons justement de continuer nos petites histoires. Voilà, donc ça c'est une carrière en montant le collet de la Schlourte, une carrière d'extraction de pierre, tout simplement parce que dès 1915, et surtout après les quelques offensives ou quelques attaques très coûteuses en hommes que l'on va avoir sur les principaux sommets vosgiens, de l'Hartmann au Linge, en passant par la Fontenelle, le Bansa, la Chapelotte, etc., donc le Bernardstein aussi, au-dessus de Sainte-Marie-aux-Mines, la tête des faux. Donc on va s'apercevoir qu'il y a un manque flagrant d'infrastructures routières. Donc on trouve pendant toute l'année 1915 l'état-major français donc, qui s'active, notamment le général Dubail qui était le commandant de la première armée, donc qui contrôlait le secteur et qui avait sous ses ordres également donc, le détachement d'armée des Vosges qui était rattaché à la première armée. Donc il va tirer les conclusions de quelques-unes de ces attaques qui ont été très sanglantes. Hein. L'année 1915 a été excessivement sanglante sur le plan des offensives. Et donc en déduire qu'il va falloir cette fois aménager la crête d'une part et aménager donc des routes qui rejoignent déjà cette crête, soit en améliorant des sentiers ou des petites routes déjà existantes, et qu'ensuite il fallait, sur la crête elle-même, avoir une route qui parte, donc on l'a vu tout à l'heure, du col du Bonhomme pour aller jusqu'au Markstein. Donc là, si on s'en tient à ce que disait Dubail, il faut que je retrouve Dubail. En règle générale, c'est bien rangé, donc on n'a pas trop de problèmes. Donc je vais déjà vous donner une citation du général Hartung, qui, contrairement à ce que son nom indique, était français, plus rien, donc qui commandait donc une unité qui était présente dans le secteur de l'Hartmannswillerkopf en 1915. Je cite, « La situation était difficile, en pays de montagne, dans la neige. Si nous avions l'avantage de posséder les points culminants des Vosges, les Allemands étaient, eux, beaucoup plus près de leur base. Ils en ont d'ailleurs habilement profité. Il faut songer que tout rondin, toute caisse de cartouches, devait être transportée par la route en partant de la vallée de la Thure, d'un point situé à 15 km de l'Hartmann. » Donc, 15 km avec des mulets, transport par mulet, transport également à dos d'hommes à certains moments, parce que quand on arrivait à proximité du front, les mulets ne pouvaient plus passer. On ne va pas trimballer des mulets dans les tranchées à des endroits escarpés. Et donc, tout était porté par les soldats. Signalons également, par exemple, que le ravitaillement en eau des soldats français qui se trouvaient au linge venait du Wettstein. Parce que se pose également en altitude, dans nos montagnes, le problème de l'alimentation en eau. Donc de l'eau, il en fallait. Il en fallait pour les hommes, il en fallait également pour les animaux. Et comme il n'y avait pas d'eau, il fallait en amener. Donc ce qui veut dire que vous aviez des mulets qui faisaient quasiment la noria en transportant des tonneaux d'eau depuis les points où il y en avait, un peu en arrière, pour amener ça jusqu'aux premières lignes. La moindre goutte d'eau était précieuse, et ça aussi, c'est un élément qui peut apparaître comme étant annexe tout ce qu'on veut, mais souffrir de la soif sur le front des Vosges, j'allais dire, c'était tout à fait possible. Alors évidemment, il y a la question de l'agneau, etc., du vin rouge, mais bon, on ne va pas sombrer non plus dans ce genre d'anecdotes. Donc on va avoir quelques conclusions donc, qui vont être tirées de ces attaques malheureuses qu'on va faire, notamment sur le secteur de l'Hartmann, comme on l'a dit, et sur le Reichshackerkopf. Donc je vous donne ce qu'on pense. Le 1er juin 1915, donc le général Dubail, la création d'une forte position défensive sur le ballon d'Alsace est déjà en voie d'exécution. On va entamer d'autre part l'organisation d'une ligne entre le ballon de Guebwiller et le col du Bonhomme. En ce qui concerne la ligne de défense à établir sur les crêtes vosgiennes, elle sera formée essentiellement de centres de résistance établis sur la crête ou sur ses avancées. Ces centres, en nombre limité mais extrêmement solide, devront maîtriser les voies principales qui franchissent les crêtes et servir de point d'appui aux troupes de défense mobile appelées à opérer en avant d'eux et dans leur intervalle. Donc, juin 1915, c'est là que commence effectivement non seulement la réflexion, mais le début d'exécution de cette fameuse route des crêtes. On s'aperçoit que du moment qu'avec nos offensives malheureuses, il ne sera pas possible de faire sauter les verrous que sont l'Hartmann, que sont le linge, etc., donc il n'y a plus qu'une chose à faire, il faut se fortifier en quelque sorte sur les positions. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas bâtir une muraille de Chine sur la crête des Vosges. Par conséquent, on va pratiquer de la façon la plus logique, c'est-à-dire en établissant sur certains sommets une ligne de centre de résistance, c'est-à-dire des endroits où on installait des batteries d'artillerie en particulier, avec légèrement en retrait des baraquements pour avoir sous la main des renforts qui pouvaient intervenir rapidement sur les différents points chauds qu'on peut avoir. Et donc ça va donner la fameuse route des crêtes et toutes ces avancées. Donc pour faire cette route, bien entendu, il va falloir piocher, il va falloir également donc faire sauter à la chédite des pans complets de falaises à certains endroits, et il va falloir trouver, bien entendu, de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle va être fournie par ce qu'on a appelé les groupes vosgiens, qui étaient numérotés de 0 à 7, ces groupes vosgiens qui comptaient en moyenne 500 hommes, 500-600, donc proviennent, en règle générale, donc de l'armée territoriale et notamment des unités territoriales, donc c'est-à-dire les classes les plus anciennes, les pépères, comme on les appelait à l'époque, ceux qui avaient au-delà de 35 ans jusqu'à 40 et des poussières, et qui dépendaient de la place d'Épinal, donc du général Mouget. Donc ces groupes de travailleurs, entre guillemets, militaires, donc vont être amenés à pied d'œuvre tout le long de cette fameuse route des crêtes, et on va leur confier à chacun un petit bout à aménager, de même qu'on va faire aménager des positions d'artillerie ou des établissements un peu spéciaux, puisque, en particulier, sur le Honeck, on aura, dans ce qu'il restait de l'hôtel du Honeck, on verra s'installer un des premiers postes de TSF à usage militaire. Donc tout ça, ça a été mis en place, ça a été construit par ces fameux territoriaux. Voilà donc une image de la route des crêtes avec un concasseur, hein, les cailloux qui ont été extraits tout à l'heure, donc de la carrière, ben, il faut en faire des graviers ou en tout cas des morceaux qui soient compatibles avec un travail correct sur la voie. Voilà donc une autre image de ce concasseur. Ces concasseurs, bien entendu, il avait fallu les amener à pied d'œuvre aussi. Ils ne sont pas venus par la voie aérienne. Hein. Et là, on est dans la descente d'une vallée alsacienne. Les personnages que vous voyez sur la droite, ce sont des enfants et des adolescents alsaciens donc du secteur libéré par les troupes françaises, donc qui ont été requis pour travailler, pour établir donc des voies secondaires, en l'occurrence ici, pour élargir quelque peu une route donc qui doit se trouver dans le secteur de Wesserlin. Donc ce recours justement à la main-d'œuvre alsacienne, on en trouve plusieurs traces. Et bien entendu, ils étaient payés, ce n'étaient pas des travailleurs qui étaient véritablement requis, ils étaient payés, mais il fallait tout de même partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir, et puis revenir à pied d'œuvre en faisant quelquefois 4, 5, 6, 7 kilomètres, donc pour revenir à l'endroit où se trouvait le chantier. Et bien entendu, dans ces cas-là, on ne connaissait pas trop ni les dimanches, ni les jours fériés, ce qui veut dire qu'on a eu recours, hein, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, non seulement donc aux militaires, les territoriaux qu'on a vu tout à l'heure, les fameux groupes vosgiens, également à des civils alsaciens, mais par exemple en 1918, quand on va construire d'autres routes pour rejoindre cette fameuse route des crêtes, notamment la route Joffre de l'autre côté sur le versant alsacien, on va utiliser comme main d'œuvre des travailleurs militaires malgaches, par exemple. Donc on va avoir toute une série de travailleurs différents, qui vont être d'origine différente, qui vont être employés dans la construction de tout cet ensemble de défense et de communication sur la crête des Vosges. Voilà, donc ici, en l'air, asphyxié. pied dans leur étroit bocal d'un bistrot de province. Ainsi dit le communiqué d'après la bataille. Dans cette guerre entre vie et mort, l'issue du combat est incertaine. Nous mentent les nouvelles. La vie exsangue peut encore survivre. Tripalaire et sans grande envie. Le soleil couchant teinte les viscères vertes et bleues. D'un coup, rougeâtre, plus bel effet. La mort sous sa tente est désabusée. Les carnages ne l'amusent plus. Élaboré, gorgé de sang et de sanie, les agonisants stupéfaits pleurent leurs semences dans des trous avant d'en finir. Un peu sous sa tente, en rangeant ses beaux outils nickelés. Un mort-vivant l'a rejoint. Il s'endorme les yeux ouverts, en lassant tendrement. Ainsi finit le communiqué. Aujourd'hui, en direct, de mes premières lignes, la vie s'épuise à vouloir vivre, tripalaire et sans grande envie. Voilà, c'est vous êtes à l'écoute de la conférence de Jean-Claude Fonbaron sur les transports pendant la guerre de 14, la route des Crêtes notamment. Ensuite, troisième partie, donc tout de suite. Voilà, donc ici le Markstein, on voit effectivement ce qu'il faut amener sur place. Vous voyez les rouleaux de fil de fer en premier plan. On commence à voir sur le massif en face, sur le sommet derrière, on a des voies, des chemins qui partent véritablement dans tous les sens. Et là, effectivement, nous sommes à l'aboutissement de la route des Crêtes. Alors évidemment, pourquoi monter des rouleaux de barbelés là-haut? Pourquoi monter tous ces matériaux? Parce que, on va le voir un peu plus en détail avec d'autres photos, pour que les gens, les soldats puissent vivre là-haut, bah, il fallait qu'ils trouvent des conditions qui étaient des conditions, j'allais dire, d'abri en tout cas correctes d'une part, et que d'autre part, sur le plan militaire, il ne le manque rien, et il fallait aussi prévoir le cas où les Allemands auraient pu mener une attaque, auraient pu essayer d'infiltrer un petit groupe ou n'importe quoi. Donc il y a fallu couvrir complètement certains sommets, les entourer avec ce qu'on appelait des défenses accessoires, c'est-à-dire des réseaux de barbelés, des chevaux de frise, etc., donc pour protéger et empêcher tout passage. Ah, donc on a ici, par exemple, le Hague, hein, qui se trouve à droite, au milieu à droite, et tous les petits tracés en rouge, les petites croix en rouge que vous voyez autour, tout ça c'est de la défense accessoire, c'est-à-dire tout ça c'est des réseaux de barbelés relativement denses, relativement continus, et on voit également donc en bas, dans la partie ici, vous voyez ici tous les petits rectangles carrés rouges ici, ça c'est des baraquements. On a également des baraquements ici, pas très loin de l'auberge donc du Hague, là. Et donc c'est là qu'on se rend compte, simplement au vu de ce type de carte, mais ça n'est pas une exception, quand on prend d'autres cartes, d'autres plans directeurs de tir où sont situés, qui situent donc les installations, les infrastructures françaises, on s'aperçoit qu'il y avait de véritables villages, de baraquements, qui était installé de bout en bout et tout le long de cette fameuse route des crêtes. Hein. Ça représente du monde, on l'a dit tout à l'heure, il faut compter 25 000 soldats présents dans ce secteur du front et proche du front. On ne compte pas ceux qui sont à Gérardmer, par exemple, à Remiremont, à Bussan, qui s'occupent des transports, qui s'occupent de l'administration, qui s'occupent des services sanitaires, qui s'occupent de... etc. Hein. C'est-à-dire que pour un combattant sur le front ou à proximité du front, on en a trois autres à l'arrière qui sont chargés de la logistique, comme on pourrait dire, ou des tâches qu'on vient de donner tout de suite. Un autre croquis, cette fois du ballon de Guebwiller, hein, le grand ballon. Donc vous voyez quel était l'aménagement. Au centre, vous avez l'hôtel du ballon. Ce que vous avez en gras et en noir, marqué 1, 2, 3, 4, etc., donc ce sont des tranchées fortifiées. Vous avez également toute une bande tournée côté allemand, c'est-à-dire par là-bas, sur la droite. Donc vous avez des réseaux de barbelés et de défense accessoires. On vous indique également donc la direction du tir des batteries allemandes. Donc le tir des batteries allemandes provient en ce sens, ce qui explique qu'on a disséminé légèrement à contre-pente donc toute une série d'abris contre l'artillerie qui sont signalés, hein, donc légèrement à contre-pente des sommets. Donc quand on va certes aujourd'hui au ballon, il est évident qu'on ne devine plus grand-chose de tout ça, et quand on voit des photos qui ont été prises 17-18, on s'aperçoit que là-haut, c'était pas du tout, mais alors pas du tout, l'image qui nous en a été restituée par la suite. Alors on l'a dit tout à l'heure, pour défendre ces fameux points hauts, il fallait... bien entendu, de l'artillerie. Donc ici, on a une pièce d'artillerie, une pièce de 75, une pièce de 75 camouflée, on le voit, on est en 1916 ici, et c'est une pièce anti-aérienne. Pourquoi ? Ben parce que une guerre qui a vu se développer l'aviation comme arme pendant tous les débuts de la guerre jusqu'à la fin. Donc, il va falloir faire face à cette nouvelle menace, et des avions qui survolaient justement les Vosges, puisque les Allemands avaient plusieurs bases aériennes dans le secteur alsacien, notamment la base de Habsheim, notamment une base à côté de Célesta également, du côté de Viroval aussi, plus une série de terrains annexes, sans compter bien entendu Strasbourg. Donc toutes ces escadrilles allemandes qui à un certain moment pouvaient survoler la crête des Vosges, c'est à ce moment-là que les appareils étaient les plus vulnérables. Les avions à l'époque ne pouvaient pas monter très haut encore, s'il fallait survoler un sommet de 1400 mètres par exemple, quelquefois les avions passaient relativement bas. D'où l'installation sur les crêtes, le long de la route des crêtes, donc de batteries antiaériennes dissimulées de ce type-là, hein, avec des canons de 75 qui avaient été quelque peu désossés, entre guillemets, pour pouvoir être utilisés à cette fin. La question, c'est qu'on n'aura pas besoin que de canons de 75, qui étaient de l'artillerie de campagne, relativement léger, relativement mobile, mais que si on veut mener à certains moments des offensives sur les points forts qu'on a rapidement évoqués tout à l'heure, l'Hartmann, le Linge, etc., la tête des faux, il faut également pouvoir contrebattre l'artillerie ennemie quand l'ennemi, cette fois, pilonne vos positions à vous. Donc il va falloir installer sur les crêtes des pièces d'artillerie, notamment qu'on va aller chercher à Épinal, c'est-à-dire des canons qui étaient destinés à la défense des forts d'Épinal, les forts d'Épinal n'ayant plus besoin d'être défendus dans la mesure où, avant que les Allemands n'arrivent là-bas désormais, c'est-à-dire il y aurait eu pas mal de choses qui seraient passées, ce qui n'était pas le cas en août-septembre 1914, où Épinal a été menacé, hein. Et donc, comme ces pièces lourdes n'étaient plus d'aucune utilité sur le plan de la place forte d'Épinal, voire même quelques-unes qui sont venues de la place forte de Belfort, donc on les a retirées et on les a amenées là où on en avait besoin, c'est-à-dire sur les crêtes. Il a fallu se les trimballer, si j'ose dire, et on a vu tout à l'heure que les moyens d'acheminer tout ça n'étaient pas énorme, énorme. Donc, à titre d'information, ici, donc, on a une pièce de 155 longs, modèle 1877, 5700 kilos. C'est pas les petits mulets qui pouvaient traîner ça. Portée de 12 700 km, avec des obus qui pesaient entre 40,8 kilos. Et 43 kilos selon qu'il s'agisse d'obus explosifs ou d'obus à balles. Donc, quand on pense que rien qu'un obus pour ce type d'engin, c'était 40 kilos, quand on pense que quand il y a eu certaines attaques sur des points chauds, les différentes pièces d'artillerie qui étaient disséminées justement de proche en proche sur les crêtes ont pu balancer des quantités d'obus de différents calibres, bien entendu, qui pouvaient s'échelonner entre 25 000 et 35 000, tous ces obus, fallait les amener sur place. Tous n'étaient pas des obus de 40 kg. Mais même un obus batterie de montagne, de pièces de 65 de montagne, ça pèse quand même 4 kg. Donc tout ça, il fallait les amener. Le 155, ça n'est pas le plus gros calibre qu'on a trouvé là-haut. Il y avait également d'autres pièces qui étaient des pièces de 220, des pièces de 220 modèle 1880, 4400 kg, portées 7 km, avec des obus qui pesaient entre 100 et 118 kg. Donc rien qu'un seul obus, j'allais dire, il fallait l'acheminer là-haut. Et à un certain moment, on aura également deux pièces de 370, c'est-à-dire du super gros calibre, qu'on a pu amener sur place grâce à des chemins de fer de campagne, sur donc des affûts spécialement conçus et suffisamment solides pour pouvoir être amenés sur des voies de 60. Donc, quand on voit aujourd'hui la belle route des crêtes, bien entendu, on se dit, oui, certes, les voitures, elles roulent toutes seules, si j'ose dire, il n'y a pas de problème. Pour monter la chenoute, il n'y a pas de problème. Pour redescendre le ballon, il n'y a pas de problème. Bon, imaginez que vous avez, plutôt que votre caravane derrière vous, quand vous êtes touriste, à tracter ce genre de choses, ce sera peut-être un peu différent. Vous serez peut-être un peu plus dubitatif par rapport, justement, à ceux qui disent que, on va à la guerre de 14, bof, pas terrible, hein, les gens ils avaient tout ce qu'il fallait, les artilleurs avaient des obus, oui certes, mais les obus fallait les monter, les canons fallait les amener également à pied d'œuvre. Voilà, donc on voit là un dans la neige, avec les fameuses plaquettes symboliques, donc c'est les espèces de petits trucs qu'on voit sur les roues. Bon, tout simplement parce que ça permettait, un peu comme pour les chenilles, hein, d'une part d'éviter, comme le poids du canon était relativement important, à ce que les roues ne s'enfoncent, et que d'autre part, ça servait un tout petit peu de frein quand on tirait des obus, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vu le poids des obus, il y avait quand même un sacré recul. Alors ici, on a une photo aérienne, allemande, qui est intéressante, même si on peut se dire, ouais, c'est un peu flou, n'importe quoi. Non, c'est pas flou du tout. On aperçoit partie centrale, exactement au centre, cinq petits renfoncements parallèles. Hein. Là, il s'agit justement d'une batterie de cinq canons qui est installée au Schweißelgrasen, à 1200 mètres d'altitude, donc en face de Ventron, en fait, hein, de l'autre côté de la crête. Et donc, quand on voit ça, on se dit, 1200 mètres d'altitude, en hiver, quand on connaît les caractéristiques des pièces que j'ai pu vous donner tout à l'heure, quand on voit l'enneigement, on se dit, effectivement, il fallait ravitailler les gens qui faisaient leur casse-croûte là-haut. Il fallait leur amener ce qu'il fallait, bien entendu, quand ils avaient tiré quelques obus, ben, ils avaient besoin de remplacer leur stock aussi. Et donc là, se pose de façon tout à fait visible l'importance de la question de l'approvisionnement et donc de la nécessité d'avoir des routes et des chemins qui puissent amener, enfin permettre à des engins ou à des mulets ou à je ne sais pas quoi, j'allais dire, d'amener ce qu'il fallait. Alors ici, on disait tout à l'heure, il y a des endroits qu'on ne reconnaîtrait pas. Ici, on est au camp du trait, donc au Markstein, et on s'aperçoit qu'effectivement, à part la ferme qui est tout au fond, enfin les fermes, les deux fermes qui sont tout au fond, hein, qui effectivement étaient là avant la guerre, tout le reste a été rajouté depuis. On a toute une série de baraquements. On a des baraquements pour les hommes, des baraquements qui sont des écuries, des baraquements pour abriter des services, des baraquements pour abriter du matériel. On a véritablement un village donc, qui a été construit à cet endroit-là. Et non seulement on a un village, mais on voit bien après les déblais donc, qui se trouvent en contrebas de la route, on s'aperçoit qu'on a créé une route toute neuve, de toute pièce, en taillant dans la roche, d'une part, et on voit toute une série donc de chemins, de sentiers très bien aménagés et d'ailleurs empierrés, donc qui permettent de sillonner tout ce village et d'y amener le matériel qu'il faut. Puis en plus de ça, on voit que la route est très fréquentée. On est toujours dans le même secteur et on s'aperçoit là aussi des petites pentes qu'on avait à parcourir, notamment ici avec une ambulance hippomobile qui avait des chances de passer, beaucoup mieux d'ailleurs à certains moments que les ambulances automobiles elles-mêmes. Voilà, et donc on reconnaît le site qu'on a vu tout à l'heure, mais vu d'un peu plus loin, avec notamment les baraquements qui se trouvent au-dessus à droite et qui étaient des baraquements destinés à stocker les vivres, le foin, le matériel et éventuellement avec une partie qui servait donc d'écurie. On s'aperçoit que les petits mulets sont toujours là et que c'est eux qui amènent effectivement le matériel, hein, et qui continuent à provisionner tout ça. Il faut songer que la moindre planche, le moindre madrier, le moindre kilo de pointe qui a été amené là-haut l'a été par les mulets. Et donc c'est quand on voit tout ça, on se dit oui, bah oui, c'est des constructions. Bon, d'accord, mais si on se posait la question de savoir comment ces éléments de construction sont arrivés là, où en règle générale, on ne va pas trouver beaucoup d'arbres à abattre, ni beaucoup de clous à l'état sauvage. Hein, on se pose, on devrait se poser justement cette question-là. Ça n'a rien d'évident. S'établir sur les crêtes, aménager les crêtes de façon défensive et irriguer tout ça par un réseau de chemins à partir d'une route des crêtes créée de toutes pièces, c'est-à-dire ça n'a pas été une mince affaire. Voilà, donc ici on a encore un autre plan directeur de tir, un autre plan directeur de tir qui est du secteur de la Schlourte, puisque vous avez en bas là, le col de la Schlourte, vous avez la route qui monte jusque en dessous du seuil de secret là-haut, donc ça c'est la route des crêtes. C'est la route des crêtes du bonhomme donc jusque la Schlourte, c'est la portion du bonhomme à la Schlourte, qui a été doublée sur toute sa longueur d'un chemin de fer de campagne. C'est-à-dire il y avait une voie de 60 qui était tantôt à droite, tantôt à gauche de la route, et on s'aperçoit aussi qu'il y avait toute une série donc d'aménagements très importants dans ce secteur-là, et en particulier on voit en bas ici le camp du Tannet 1. Tous les petits rectangles rouges, ce sont des baraquements. On trouve au-dessus le Tannet 3, au-dessus, encore le long de la route, le Tannet 2, etc. C'est-à-dire que tout le long de cette fameuse route des crêtes, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des baraquements avec la plupart du temps donc des services sanitaires, avec des infirmeries, avec des docteurs, qui étaient là non seulement pour accueillir les troupes quand elles étaient retirées du front après y avoir passé un séjour quelquefois mouvementé, qui servaient également à amener sur place les renforts à la veille d'une attaque ou pour contrecarrer une éventuelle offensive allemande. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, ces camps-là, il y en avait partout. Il y avait plus d'habitants sur les crêtes qu'il n'y en avait dans Gérardmer, Bussan, Remiremont, réunis, largement plus. Ce qui n'est pas l'image, bien entendu, qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne penserait jamais, jamais que les crêtes ont été surpeuplées à un moment donné. Et donc, on voit bien encore, à certains moments, le long de cette route-là, simplement les tracés du chemin de fer de campagne, qui à un certain moment, dont le tracé a été récupéré pour élargir la route dans les années d'après-guerre, mais certains autres endroits, on le voit, qui passent dans une tranchée sous bois, et cette tranchée est aujourd'hui un chemin de randonnée, par exemple, quoi. Dans le parc de comme du verre joue sous les branches. Enfant fragile comme du verre joue sous les branches. Est-ce ainsi que les hommes et leur parfum au loin demeure, et leur parfum au loin de la conférence de Jean-Claude Fonbaron sur la guerre de 14 de la route des Crêtes. Voilà. Et voici donc la suite. C'était enregistré à l'occasion du colloque de Mélisée il y a 2 ans. Et là, c'est passé à l'occasion justement du colloque de rencontre transvosgienne qui a lieu demain, samedi 3 novembre. 9 fois sur 10, on va parler des combats, on va parler des tranchées, on va parler du poilu, etc. Bon, et il ne faut pas non plus oublier qu'il y en a qui ont manié la pelle, la pioche, qui n'était peut-être plus pour certains, ou pas encore pour d'autres, en âge de manier le fusil, et qu'ils ont fait également un travail très important que beaucoup... Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de ce qui était l'acheminement des blessés, on a vu une ambulance, et il faut se dire que maintenant, avec une route, avec de vraies routes, ou quelque chose, j'allais dire, qui enfin ressemble à une véritable infrastructure routière, on va pouvoir, cette fois, utiliser des moyens techniques un peu plus élaborés. Donc plutôt que d'avoir désormais des ambulances hippomobiles tirées par des chevaux, on aura des ambulances qui vont être des ambulances automobiles, notamment des Ford, qui vont être, dans un premier temps, jusqu'en 1917, donc celles qui étaient dans le secteur des Hautes-Vosges, ce sera des Américains, des étudiants américains, donc comme l'Amérique n'avait encore pas déclaré la guerre à l'Allemagne, donc qui étaient là uniquement comme bénévoles et volontaires dans des unités non combattantes, bien entendu, puisqu'ils n'étaient pas considérés comme faisant partie d'un pays belligérant qui prenait part à la guerre. Et puis il y a eu également des ambulances anglaises depuis 1914, on a eu dans le secteur des ambulances anglaises également, donc de la Croix-Rouge anglaise, qui ont rendu des mines en service, en particulier lors des attaques sur l'Hartmann. On voit ici l'utilisation donc, d'un sidecar. On voyait également qu'il y avait le long de la route, et on l'a également ici aussi, donc des voies ferrées, des voies de 60, il y en avait partout, qui doublaient la plupart du temps les routes. Et c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, le chemin de fer, c'est en Corse qui avait le meilleur rapport qualité-prix, ou en tout cas tonnage-prix, pour le ravitaillement de ces points forts. Donc là, on est toujours pareil sur la route des Crêtes. Le col de Buisson. Alors évidemment, le col de Buisson, je ne veux pas dire qu'on aimerait bien encore le voir comme ça, mais c'est vrai qu'il fait quand même bien dégager. Hein, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que on n'est plus. Ça, c'est ici. Donc on est 1916-1917. On est dans le début de l'année 1917. En début de l'année 1917, désormais, les mulets, en tout cas sur certains axes, les axes les plus importants de la route des Crêtes et les axes qui permettent de descendre sur la partie de l'Alsace libérée, le secteur de Tannes, Saint-Amarin, Vesserlin, etc. Donc cette fois, ce sont les automobiles, les transports automobiles, donc qui ont pris le relais. Alors il faut savoir que à la déclaration de guerre, l'armée française dispose de 220 automobiles qui servaient la plupart du temps pour les états-majors et de 50 tracteurs automobiles, c'est-à-dire destinés à traîner des pièces d'artillerie. C'est pas énorme. Par voie de réquisition, puisqu'on procède comme pour les chevaux, début août, dès que la mobilisation est effectuée et que les réquisitions sont également effectuées, l'armée française dispose de 10 000 véhicules. Elle passe de 270 véhicules à 10 000. Bien entendu, quand l'armée réquisitionnait les véhicules, elle réquisitionnait la plupart du temps les chauffeurs avec. Tout le monde connaît l'épisode des taxis de la Marne, tout le monde connaît l'histoire des autobus parisiens réquisitionnés qui ont été jusque sur le front des Vosges et qui ont servi non seulement à transporter des troupes, mais également au ravitaillement en viande, en étant transformés en camions ou en autobus frigorifiques, si l'on peut dire. Et donc, par conséquent, on va avoir une montée en puissance de l'automobile. Fin 1914, 18 000 véhicules dans l'armée française. Par la suite, et notamment avec ce que l'on va acheter aux Américains, des véhicules Ford, bien entendu, avec ce qu'on va acheter aux Italiens, des Fiat, avec ce que vont produire les industriels français, notamment Berliet, on va commencer à avoir de véritables transports automobiles possibles et donc à augmenter les capacités et la rapidité d'approvisionnement, que ce soit des hommes et, des pièces d'artillerie, des munitions, donc d'une façon un peu plus rapide et un peu plus fonctionnelle. Et on s'aperçoit bien entendu, et là on est toujours dans le col du Buisson, que la période de l'automobile, c'est aussi la période des accidents, et que c'est là qu'on comprend que même si nous avions des routes désormais dans les Vosges, si nous avions une route des crêtes, si nous avions possibilités désormais donc de pouvoir descendre dans les vallées alsaciennes et en remonter, ce qui n'était pas encore suffisant avec les automobiles, puisque rappelons notamment que le matériel qui était descendu en gare de Buisson, il était également acheminé jusqu'au col par une voie de 60 qui avait été établie par le génie militaire, et que ensuite c'était un téléphérique qui prenait le relais jusqu'à Urbès avant que l'on puisse descendre ou monter selon les cas le matériel qui était destiné à l'Alsace, donc dans le chemin de fer, sur le chemin de fer à voie normale, en tout cas à voie écartement Alsace-Lorraine, donc qui était dans les vallées alsaciennes et que nous avions conservé. Donc là vous voyez que cette histoire de route des crêtes correspond bien entendu à des nécessités stratégiques. Bon, j'espère avoir pu les exposer de façon relativement claire, que la transformation de ce paysage de crête, de chaume, a été énorme, et qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure en introduction, 100 ans après, il n'en reste plus grand-chose. Heureusement, bien entendu, qu'il existe encore des archives, d'une part, des archives photographiques aussi, puisque les archives photographiques jouent une très grande importance, parce que c'est elles qui nous mettent quelquefois sur la piste d'événements ou de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. Et on peut également se poser de façon annexe l'autre question, à savoir, bon, c'est vrai que quand on parle de la guerre de 14, et surtout en ces périodes, on met toujours en avant le côté purement guerrier, si j'ose dire, c'est-à-dire 9 fois sur 10, on va parler des combats, on va parler des tranchées, on va parler du poilu, etc. Bon, il ne faut pas non plus oublier qu'il y en a qui ont manié la pelle, la pioche, qui n'était peut-être plus pour certains ou pas encore pour d'autres en âge de manier le fusil, et qu'ils ont fait également un travail très important, que beaucoup y ont laissé aussi leur santé, et que d'un autre côté, c'est qu'on a quand même été largement secondé dans ces tâches-là par ces braves petites bêtes que nous avons requis et enlevées à leur petit pâturage pour les uns et à leur champ de neige pour les autres. Et donc par conséquent, si on s'intéresse à cette fameuse guerre de 14, le mieux, c'est quand même d'avoir une certaine ouverture là-dessus et de ne pas plonger uniquement que dans l'aspect lebel, baïonnette, pinard, tranché, boyau, rat, etc. C'est un peu trop réducteur. Et surtout, quand on se balade, il faut est-ce qu'on essaye de lire entre les lignes des paysages qui nous sont proposés aujourd'hui, et qui sont, qu'on le veuille ou non, des paysages aseptisés, des paysages artificiels, et des paysages dont on a essayé à certains moments d'extirper l'histoire. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions... Oui, en fait, là, j'ai fait une petite erreur de timing, parce que je pense que je vais revenir à cette partie-là, que je n'avais pas passé. Après Prévert,

du transport de pièces lourdes. Donc ça veut dire que les pièces lourdes, il fallait déjà les détailler en plusieurs fardeaux, et que quand on parle par exemple d'une pièce de 370, donc qui est quasiment une pièce de marine, donc qui a été montée au Honeck, donc elle l'a été par le chemin de fer civil d'avant-guerre, donc jusqu'au collet. Hein. Bon, tout simplement parce que vu le poids, il faut quand même que les rails soient bien ancrés. C'est pas simplement des rails posés. Hein. Mais il y avait un réseau de chemin de fer qui montait jusque là. Alors, il y avait deux choses, c'est qu'il y avait donc le réseau civil, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la guerre le tram de la Schlourte, donc qui faisait Remiremont, Gérardmer à vapeur, traction vapeur, qui faisait Gérardmer, Retournemer, traction vapeur, Retournemer, station électrique, et donc on changeait de mode de traction, et la locomotive qui montait donc jusque la Schlourte, avec par la suite un embranchement qui a été dirigé sur le Honeck, était cette fois électrique, à cause de la rampe qui était trop importante. Bon, versant alsacien, donc ils ont fait leur ligne de jonction, si j'ose dire, plus tardivement, Münster-Schlourte, qui était entièrement électrique, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de la pente beaucoup plus forte qu'il y a sur le secteur alsacien, et ce qui explique que dans les dépliants touristiques d'avant-guerre, d'avant la guerre de 14 en Allemagne, l'argument qui était donné pour amener les touristes à visiter la Schlourte, c'était que l'on pouvait prendre le plus haut chemin de fer à crémaillère d'Allemagne. Tout simplement parce que dans le secteur de Sankt-Matt, il y avait une partie qui était tellement en pente que cette partie-là du tram était à crémaillère. Voilà, donc ce qui veut dire qu'au début de la guerre, bien entendu, la circulation civile a été interdite, puisqu'on était en plein dans la zone des combats, en tout cas la zone du front, et que le chemin de fer a été réutilisé à des fins militaires. Sauf que, bien entendu, la Schlourte étant trop exposée par rapport à l'artillerie allemande, puisqu'il y a fréquemment des obus qui vont tomber sur la Schlourte et le Honeck, la gare terminale, ce sera le collet de la Schlourte. Collet de la Schlourte, qui était un nœud important, c'est-à-dire de communication, puisqu'il y a la vallée du Valtin qui communique avec, il y a le secteur de la Bresse qui communique avec, il y a Gérardmer qui communique avec, etc. Et donc où il y avait là aussi de véritables camps en planche, de baraquements avec des unités très très diverses, très très disparates, des mulets, etc. Donc ensuite, ce qu'il y avait, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu de la voie de 60, on a vu brièvement, on n'est pas revenu dessus, donc une locomotive donc à vapeur. Donc il y avait une voie de 60, donc écartement de 60 cm, mais qui est déjà quelque chose de sérieux, entre guillemets, parce que c'était ce type d'écartement qu'on avait, notamment dans le secteur industriel, c'est-à-dire dans ce qu'avaient par exemple les betteraviers, ce qu'on avait dans les carrières, etc. C'est ce qu'on appelait de Coville, du nom de la locomotive qui était la plus usitée pour ça. Hein, donc ces fameuses voies de 60 qui étaient posées en règle générale par tronçon de rails métalliques soudés, traverses métalliques soudées, donc de plusieurs mètres de long. C'était stable, ça se posait bien. Hein, et bien entendu, il fallait un petit peu de ballast, et puis il fallait quand même que ça soit bien aménagé. Donc on avait. Oui. Voilà, je trouve mettre une locomotive dessus. Bah, la preuve que ça marchait. Bon, là c'est pas le sujet, mais bon, on pourrait faire un truc sur les locomotives, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par exemple, donc le matériel qui arrivait en gare de Saint-Dié. Bon, le matériel qui arrivait en gare de Saint-Dié, il était orienté jusqu'à la gare de Plainfin. À Plainfin, il y avait un chemin de fer de campagne, on procédait au transbordement, le chemin de fer de campagne, il montait jusqu'au col du Bonhomme. Et après, ou parallèlement à la construction de la route des Crêtes, on a établi donc un chemin de fer de campagne, toujours, voie de 60, entre le col de Bonhomme et le col de Louchepas, dans un premier temps, et ensuite du col de l'Ouchepa jusqu'au col de la Chlourte. Bon, j'aurais pu mettre une photo aérienne là, avec le col de la Chlourte en 18, on voit très bien justement les aménagements, ces aménagements-là. Hein, et puis là, on pouvait effectivement transporter du matériel relativement lourd. Parce que là, on a ce type de locomotive, on pouvait faire comme on le faisait en règle générale, c'est-à-dire on mettait une locomotive devant et une locomotive derrière, une qui tire, l'autre qui pousse. Et donc de cette façon-là, avec ce qu'on appelait les trucks, donc les wagonnets aménagés, on arrivait à porter des charges qui étaient relativement importantes. Bon, je vais vous donner un autre exemple d'acheminement aussi, qui est plus local. Quand on a effectivement récupéré le secteur alsacien proche, le secteur Thal-Wesserlin et compagnie, bon, il y avait des voies allemandes normales, des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, donc qui allaient jusqu'au bout de ces vallées. Bon, bien entendu, il n'y avait pas de jonction avec le côté français, hein, pour des raisons techniques et pour des raisons politiques, bien entendu. Et donc, quand on a libéré cette partie-là de l'Alsace et qu'il a fallu la gérer, entre guillemets, c'était quand même dommage d'avoir une belle voie ferrée comme ça. Enfin, les Allemands avaient quand même laissé une loco, mais bon, ils n'avaient pas eu le temps de l'embarquer. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que l'écartement des voies Alsace-Lorraine n'était pas le même que notre écartement à nous. C'est-à-dire que nos locomotives ne pouvaient pas aller sur, et nos wagons, sur les voies d'en face. Ce qui nous a posé des problèmes après quand on a récupéré tout ça. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et donc il a fallu justement que on régénère un peu, c'est-à-dire, ce trafic, et il a fallu faire venir une locomotive. La locomotive, hein, on l'a fait venir de Bussan. Comment ? Eh bien tout simplement, non pas en faisant une voie depuis Bussan jusqu'à Wesserlin, mais simplement en mettant devant la locomotive les rails et les traverses qu'on démontait derrière la loco. Ça a pris un certain moment, mais ça n'a pas nécessité de gros travaux. Enfin, de gros travaux, on n'a pas fait de ligne complète, on aurait pu dire, parce qu'une ligne complète, de toute façon, ce n'était pas possible à faire. Ce n'était pas possible. Donc en fait, on a travaillé, je veux dire, de cette façon-là, et on a réussi comme ça à amener une locomotive type Alsace-Lorraine, donc avec écartement de rails allemand, de l'autre côté. Donc qui a été utilisé pour toutes les troupes qu'on avait là-bas, mais également pour la question du ravitaillement des populations civiles alsaciennes. Hein? Donc là, le chemin de fer a joué un rôle très très important aussi. Quoi. Donc voilà pour les petits trains. Alors, dans le col de Bussan, il y avait un taco, hein? Ouais. Une voie de 60. Ouais. Il y avait une voie de 60, et après cette voie de 60, on va dire, c'était un téléphérique. Puisqu'on a utilisé également des téléphériques, ouais, et des funiculaires. Hein, notamment Bussan et Urbès. Hein, avec des pylônes qui étaient des pylônes métalliques. Hein, et donc les tracés sont connus sur les cartes, etc. Et on peut encore de temps en temps, dans les secteurs forestiers, tomber sur des petits plots en béton, par exemple, avec des boulons, et on se dit qu'est-ce que ça fait là. Tout simplement, c'était des pylônes de téléphérique. Bon, voilà, on va aller sur le terrain maintenant. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas d'officiel pour faire un discours, c'est bon, vous y allez. Bon, bah, écoutez, bonne nuit, et puis merci, peut-être beaucoup. À l'année prochaine. Vous apprendrez un jour, mes fils, vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre. Le livre à moitié lu, le chant interrompu, et la besogne inachevée. ne pleurez plus mes fils, ne pleurez plus. Le monde entier saura le pourquoi du mensonge et de la calomnie, le monde entier saura nos pleurs et notre peine. Joyeux et vert, mes fils, joyeux et vert, sera le monde au-dessus de nos tombes. Les tueries cesseront, la terre fleurira dans la paix fraternelle. Travaillez, construisez, mes fils, un monument à l'amour, à la joie, à la valeur humaine. Et à la foi que nous avons gardée pour vous, mes fils, pour vous. Voilà, maintenant, donc, la suite est fin. Je vais vous donner un petit bout d'une question que j'ai posée à Jean-Claude Frombaron, si j'arrive à avoir ce bout-là, qui techniquement est en route, mais que je vais essayer de revoir. Voilà. Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres de Prague à Budapest. Non, ça c'est encore autre chose. C'était un complément que j'avais enregistré. Voilà, c'était sur la guerre au Maroc. J'avais interrogé Jean-Claude Frombaron et je voulais vous le passer, mais j'ai un petit problème de... Un petit problème à l'instant, là, que je vais essayer de résoudre. Voilà, je vais essayer de vous l'avoir. Et qui après s'est retrouvé, d'abord à un moment donné il était à l'hôpital. Parce qu'il y avait un établissement qui soignait les blessés musulmans juste à côté, donc on n'a pas voulu être en retard par rapport beaucoup, sur de vastes espaces, et notamment... Parce qu'il y avait un établissement qui soignait les blessés musulmans juste à côté, donc on n'a pas voulu être en retard par rapport aux Allemands. Excusez-moi, je reprends cet enregistrement là. Après, une petite musique pour me rattraper. Voilà, c'était une dernière question que j'ai posée à Jean-Claude Frombaron sur un petit peu annexe. Je vous retrouve ça après un petit disque sur la Belle Époque, tiens, par exemple. Voilà, si j'arrive aussi, parce que là, ça marche pas. Bon, ça fait rien, on va passer à autre chose. Par la vertu des mots, magie de la musique sous cette voûte immense, moi, petit, tout petit, perdu dans ces milliers de visages amis, main battant la cadence, succédant au silence en rafale de pluie. Mon palais, d'ombre et de lumière, de mains ouvertes. Mon palais, d'espoir et des cœurs, ma découverte. Ce n'est pas un palais comme les autres, sans chef de protocole, sans garde chamarré. Mon palais, quatre planches, une estrade, et je vous dis entrez. Mon palais, mon palais, mon palais, cette fraternité. qui fait qu'on se tutoie sans s'être rencontré. Et me voilà soudain par la grâce du chant comme un miroir immense. Moi petit, tout petit, noyé dans ces milliers de prunelles amies, reflétant en silence et à corps et à cris les mêmes espérances. Mon pari, de souffler d'espace aux mains ouvertes. Mon pari, d'espoir et d'espoir, ma découverte. Et donc, après un bout de Zanferin imprévu, je retrouve mon enregistrement, la question finale que se posait à Jean-Claude Fonbaron. Je vous disais, c'était un peu en off. Donc ça, je vous retrouve cet enregistrement-là sur la guerre de 14, mais au Maroc, les prolongations de la guerre de 14 au Maroc. Parce qu'il y avait un établissement qui soignait les blessés musulmans juste à côté, donc on n'a pas voulu être en retard par rapport aux Allemands. Non, ce qui est la question, parce que demain, j'ai un des participants du Croix-Rouge qui a été blessé au linge, en ricole, et qui après s'est retrouvé, d'abord, à un moment donné, il a été à l'hôpital à Colombécha, en Algérie, puis il s'est retrouvé au Maroc. Alors là, c'est dans le Maroc oriental. Oui, dans le Rougir. J'ai pas trop trouvé de. Si, il y a quelques opérations. Oui, oui, dans le secteur de Taza, le Rougir. Voilà. Oui, si. Vers 17, oui, oui, 19. Oui. Bah oui, non, mais c'était toujours des tribus rebelles ou insoumises. Voilà. Puis qui étaient un peu travaillées par des agitateurs ottomans et à la solde des Allemands. Quoi, hein, donc, parce qu'en fait, le Maroc était vraiment sous mandat que depuis. 12, hein, depuis. Comment ça se goupillait la présence des Français là-dedans par rapport aux unités autochtones? Alors bon, déjà, il faut dire que la réalité du Maghreb, c'est une réalité relativement complexe dans la mesure où on a affaire à plusieurs états, pourrait-on dire, plusieurs peuplades également à certains moments, et à un mode de vie qui était encore largement dominé par le nomadisme. Hein, donc ce qui explique que structurer un état nomade, ça n'est pas possible, ou difficilement. Et donc par conséquent, toute une partie du travail de la présence française antérieurement a été pour fixer j'allais dire, des populations dont certaines étaient quelque peu remuantes, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on a construit des chemins de fer, qu'on a fait des grands domaines agricoles, qu'on a lancé des grands travaux avec des routes, et qu'on a essayé d'amener ce qu'on appelait la civilisation dans ces endroits-là. Bien entendu, bon, ça posait des problèmes d'ordre culturel et politique, hein, bien sûr, surtout que ces colonies ou ces protectorats amenaient participer beaucoup à la richesse, j'allais dire, du pays. J'allais dire, l'exploitation de ces pays-là vont apporter beaucoup à nos économies à l'époque. Donc il faut dire que la France était une des premières puissances coloniales, donc avec l'Angleterre. L'Allemagne a regretté longtemps de ne pas avoir été une puissance coloniale. Et donc par conséquent, elle a pu nous chercher à certains moments des problèmes à ces endroits-là. Hein, on sait notamment, donc si on parlait tout à l'heure de djihad, bon, que le djihad a été lancé à l'automne 1914 par le grand mufti de Constantinople, puisque à l'époque c'était Constantinople qui était le haut lieu de l'islam, donc à destination de tous les musulmans du monde connu. Et donc par conséquent, dans cet appel au djihad, il y avait notamment un paragraphe, si j'ose dire, qui concernait un des principaux reproches donc, qui étaient faits par les autorités religieuses musulmanes donc, aux Français et aux Anglais, qui était d'utiliser des musulmans pour tuer d'autres musulmans, ce qui était vraiment quelque chose d'abominable, dire si j'ose dire. D'où cette guerre sainte qui a été lancée avec le soutien de l'Allemagne, et donc cette proclamation du mufti de Constantinople a été relayée par la propagande allemande, même si en France la censure a interdit à la presse de faire état de ce djihad, tout simplement parce que nous avions en ligne des troupes coloniales, notamment tirailleurs algériens, tirailleurs marocains, donc qui étaient susceptibles de prêter une oreille attentive à cela. Et on a eu effectivement quelques cas de désertion liés justement à cet appel qu'on a sous-estimé, bien entendu, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse dire que dans l'armée française, voilà. Et ce qui explique notamment que les tirailleurs algériens et marocains qui avaient droit à une permission ne pouvaient pas retourner faire leur permission dans leur famille en Algérie ou au Maroc. Ils étaient obligés de rester en France, de manière à ne pas avoir de contact, sachant que pendant cette période, il y a eu, notamment, tout le monde connaît le père de Foucault, donc qui a été tué à la limite du désert, donc par des rebelles ou des irréguliers, etc. Mais le père de Foucault a été victime du djihad. Et donc, l'autre problème, c'est que comme l'armée française avait besoin de recrues, donc quand on a dès l'automne 1914, quand on a lancé la conscription, donc notamment en Algérie, il y a eu des Algériens qui se sont soustraits ou qui ont soustrait leurs enfants entre guillemets à la conscription. D'où des troubles, d'où des problèmes, et bien entendu un mouvement latent de rébellion, avec de temps en temps des explosions, j'ose dire, par-ci par-là, alors que en France on essayait justement de démontrer que les Algériens notamment étaient loyalistes, qu'ils combattaient dans l'armée française, que l'armée française faisait tout pour qu'ils puissent, en tout cas ceux qui étaient de confession musulmane, pour qu'ils puissent pratiquer leur religion, etc. Alors qu'on était très très en retard d'ailleurs là-dessus. Hein, et puis essayer de démontrer qu'il n'y avait pas de raison pour que nos troupes coloniales répondent aux incitations à la désertion ou à la rébellion, donc venant d'agitateurs étrangers. Quoi. Oui. Tu parlais tout à l'heure de l'aviation au Maroc aussi. Oui, c'est-à-dire que bon, ça c'est pendant la campagne de 1910-1911. Ah, donc, oui, c'est précédemment. Oui, oui, c'est avant la guerre de 14. Oui. C'est tout simplement parce que, dans ce genre d'opération, il n'y a pas de champ de bataille. Il n'y a pas de front. On a dit tout à l'heure, on a affaire à des populations nomades, à des groupes d'irréguliers, d'irréductibles, de rebelles, tout ce qu'on veut. Hein. Les qualificatifs sont très nombreux à ce niveau-là. Donc ils se déplacent beaucoup sur de vastes espaces, et notamment les espaces désertiques. Et donc il est très difficile, pour des conditions donc liées à la distance, liées aux conditions atmosphériques, la chaleur, le désert, etc. Et il est très difficile de mener des opérations militaires comme on peut les mener par ailleurs en Europe. Donc par conséquent, pour retrouver ces ennemis très mobiles qui pouvaient se fractionner à certains moments en plusieurs groupes, qui pouvaient se fondre dans les populations locales, c'est-à-dire l'aviation a déjà été utilisée, l'aviation de reconnaissance, parce que c'est sûr qu'un avion pouvait quand même faire très rapidement quelques dizaines de kilomètres, alors que si on avait envoyé une reconnaissance par cavalier ou autre, déjà il aurait fallu trouver à boire pour le cavalier et son cheval, d'une part, et que d'autre part on n'était pas sûr qu'il serait revenu. Tandis qu'un avion, il pouvait faire 100 km, 120 km, 150 km, bon, revenir, dire ce qu'il avait vu. Et puis, à un certain moment, on a dit, du moment que les avions survolent, plutôt que de faire simplement de la reconnaissance, ils pourraient quand même laisser un petit souvenir aux gars qui sont en dessous. D'où l'utilisation de ces fameuses fléchettes. Donc, dites fléchettes, qui était la dénomination exacte, c'était la balle bon, donc du nom de l'ingénieur qui l'avait conçue, qui était larguée en pluie. Par caisse, donc au-dessus de tout rassemblement qui était. C'est ça comme ça. Non, c'était dans des caisses, dont on pouvait faire glisser le fond. Il y avait une glissière au fond, et le fond de l'appareil, le fond de l'avion, à côté ou derrière le pilote, donc était évidé. Donc on posait la caisse. On tirait donc la glissière, ce qui veut dire que les fléchettes qui étaient bien empilées et bien rangées par centaines, tombaient en pluie, tombaient en pluie, et le temps qu'elles tombent, avec la l'avion n'était pas statique, bien entendu, donc ce qui veut dire que ça couvrait quand même quelques mètres carrés, et vu la hauteur dont ça tombait et vu le profilage de cette fameuse fléchette, ça pouvait provoquer des blessures qui pouvaient être mortelles. C'était quoi comme avion qu'il y avait à cette époque-là, en 12? Alors, on avait déjà l'appareil qui était et qui a été, dans un premier temps, le plus largement répandu dans l'armée française, c'était le Farman. Autre lieu, parce que j'ai un des participants au Croix-Rouge de demain me parle de son père qui a fait les Dardanelles. Bon, ça on connaît, on trouve assez de documentation sur les Dardanelles, mais il parle aussi de l'Égypte. Il dit que son père était dans la marine, est allé en Égypte. Alors, je sais pas trop, il m'en a pas dit plus. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer en Égypte dans les années 15-16? On est là dans le contexte, c'est-à-dire de la guerre contre la Turquie. Il faut pas oublier que la Turquie à l'époque essaye de récupérer déjà, si j'ose dire, son empire, ou de conserver ce qu'il a encore comme empire, et que par conséquent, il ne faut pas oublier que l'Égypte, comme le Maghreb, comme des pays qui vont émerger par la suite, qui n'existaient pas à l'époque, notamment tous les Émirats arabes, étaient sous contrôle plus ou moins direct de la Turquie. Et donc là, il y avait une grosse opposition entre les intérêts anglais et les intérêts turcs. D'où, effectivement, des batailles auxquelles ont surtout participé les Anglais, dans le secteur quasiment du canal de Suez. Or, l'armée française, participait à la protection du canal de Suez, notamment par le biais de sa marine, et avait également donc une délégation militaire avec quelques petites troupes, donc au Caire, puisque les Anglais étaient toujours en Égypte. Bah écoute, merci, je voyais pas trop ce que faisaient les Français là-bas, mais me voilà éclairé. Entre autres, sur d'autres... Trafic de chameaux. Merci. Oui, alors là, c'était en off, c'était des questions que je lui avais posées à Jean-Claude. C'est par rapport au courage de la guerre de 14, un grand enregistrement que j'ai fait avec, effectivement, que je repasserai tantôt, que je vous ai passé il y a 2 ans. Et qui était fait le souvenir de témoins indirects, bien sûr, sur toute la guerre. Voilà, on va terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est bien ainsi. Un petit peu de musique quand même.

venez à la Bresse, rencontre transvosgienne, avec quatre conférenciers sur l'histoire des Hautes-Sommes, notamment, et en remontant notamment à la période de l'âge de bronze, les défrichements anciens. Donc c'est à 9h à la Bresse, salle Jeanne d'Arc, au-dessus de la mairie, salle du cinéma, hein, c'est ça. Et ensuite, jeudi prochain, oui, le 8, à 18h, Maison des Associations à Fraisse, salle de spectacle, Jean-Claude Fonbaron, que vous avez entendu ce soir, et Yann Prouillet, que vous avez entendu parfois, sur les à côté de la guerre de 14, d'une part, et les femmes dans la guerre de 14. Et puis aussi, expo, tout ça. Et puis je vous rappelle qu'il y a des expos partout sur la guerre de 14, notamment à Rue et à Docelles. Et sûrement, la liste serait longue si on veut regarder, puisque c'est quand même 2018, c'est-à-dire 100 ans après l'armistice. Voilà, d'une guerre qui n'en finissait plus. Et qu'on ne finit plus de célébrer. Voilà, et bien bonne nuit, et à bientôt. Je vous laisse avec les enregistrements de la radio de nuit.